Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Pour présenter Jean Gruau, on pourrait commencer par citer quelques-uns des films dont il a écrit le scénario. Avec François Truffaut, Jules et Jim, L'Enfant Sauvage, Les Deux Anglaises et le Continent et L'Histoire d'Adèle H. Avec Jacques Rivette, Paris nous appartient et La Religieuse de Diderot. Avec Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, La vie est un roman et L'amour à mort. Avec Roberto Rossellini, Vanina Vanini et La prise du pouvoir par Louis XIV. Ou encore avec Jean-Luc Godard, Les Carabiniers. On pourrait aussi dire qu'il fut, à la fin de sa vie, le producteur de Mafrouza, formidable documentaire d'Emmanuel de Maurice, et qu'il participa activement et avec bienveillance à l'adaptation par Valérie Donzelli d'un scénario qu'il avait écrit pour Truffaut au début des années 1970, Histoire de Marguerite et Julien. Né en 1924 en région parisienne, Jean Gruau est mort en juin 2015 à l'âge de 90 ans et reste un personnage méconnu du grand public. En 1978, à l'occasion de la sortie en salle de La Chambre verte, dernier scénario qu'il écrivait avec Truffaut, il était l'invité de Claude Jean-Philippe pour deux volets du cinéma des cinéastes. Après avoir raconté dans le premier par quel concours de circonstances il en était venu à écrire pour le cinéma, il livrait dans le second sa conception de son métier. Le cinéma des cinéastes avec Jean Gruau, une émission diffusée pour la première fois le 25 juin 1978. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût. Jean Gruau, nous vous retrouvons cette semaine après vous avoir longuement écouté la semaine précédente raconter votre période de formation jusqu'à Paris nous appartient. Alors donc, nous sommes au clivage entre les années 50 et les années 60, c'est-à-dire au moment de Paris nous appartient, qui, je le répète, est un extraordinaire document mental sur l'époque que l'on vivait alors, puisque c'était politiquement, moralement, toute l'anxiété du temps d'alors est contenue dans ce film. Mais vous nous disiez que pour vous, la vie n'était pas facile, parce qu'être scénariste de Paris nous appartient, c'était pas une situation, comme on dit. Non. Alors, Dieu merci, j'avais le théâtre qui me permettait de vivoter à peu près. Que la condition des comédiens était aussi difficile à l'époque, mais d'une autre manière que maintenant. C'est-à-dire, disons que nous travaillions peut-être plus que les comédiens d'aujourd'hui, mais nous étions payés beaucoup moins cher. Alors, le résultat était à peu près le même. Et on faisait peut-être des choses moins intéressantes. Bon, pour revenir à ça, je jouais une pièce d'Oliberti, La Logeuse, c'était en fin 60. Mais j'avais écrit, d'abord, je dois vous dire, que oui, j'étais parti en tournée avant la fin du tournage de Paris nous appartient, puis j'ai pas pu continuer jusqu'au bout, à cause justement de cette tournée pour laquelle j'étais engagé. Et pendant cette tournée, j'ai écrit une adaptation de La Religieuse, théâtrale alors. Enfin, je ne savais pas trop si ça serait du théâtre ou du cinéma. Puisqu'après, au moment du montage de Paris nous appartient, je me souviens très bien de l'avoir déjà apporté à Rivette en lui disant « Tiens, est-ce qu'on pourrait pas voir ?» puisque je n'arrivais pas à la monter au théâtre. Et puis, alors en 60, il y a François qui est venu me trouver, plus exactement Rivette, qui m'a rapporté de la part de François. Je ne voyais plus beaucoup François. Quand vous dites François, il faut dire que c'est François Truffaut. C'est François Truffaut, oui. Il m'a rapporté de sa part le livre « Jules et Jim » de Rocher, en me demandant si ça m'amuserait, m'intéresserait de l'adapter. J'ai eu le bouquin, j'étais tout de suite emballé. Et j'ai vu François deux jours après. Et dans le même temps, Roland Monod, qui s'occupait à l'époque du Théâtre Quotidien de Marseille, qui était une petite troupe régulière qui jouait à Marseille à ce moment-là, s'est trouvé à court. Il y a un Brecht qui lui a claqué dans les droits. Il n'a pas eu les droits. Il cherchait quelque chose de brechtien. Et il, dans sa troupe, il avait un de mes amis, Pierre Vial, qui est un comédien, qui connaissait mon adaptation de La Religieuse. Il a immédiatement monté La Religieuse. Si bien, dans le même temps, ma situation a complètement changé. Je n'étais plus comédien. Je me suis trouvé un peu à la fois auteur dramatique et scénariste, malgré moi, parce que j'ai écrit cette adaptation de La Religieuse, comme ça, un peu de chic. Sans... Il se trouve que cette adaptation de La Religieuse a très bien marché à Marseille, et j'en ai même eu un très bon Gautier, ce qui est assez curieux. Bon, enfin, j'ai eu un très bon Gautier, et tout ça m'a un petit peu valorisé. À peine j'avais commencé à travailler à Jules et Jim, j'avais même pas terminé mon travail, que Roberto réapparaissait à Paris. Roberto Rossellini, cherchant un scénariste pour Vanina Vanini, puisque Salina Cetrombadori avait déjà travaillé sur le scénario, mais ne continuait plus. Je ne sais pas quel message, comme il y a beaucoup de salades dans les films italiens à l'époque. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Toujours est-il qu'il ne s'entendait pas avec Rossellini. Il cherchait un scénariste. Il téléphone à Truffaut. Truffaut lui dit bah, justement, je travaille avec Gruau pour reprendre Gruau. Et Rossellini me revoit, il dit « Mais je vous connais, vous !» Et c'était... J'ai donc travaillé sur Vanina Vanini. Bon, maintenant... Ensuite, les choses ont continué comme ça. J'ai travaillé sur le Godard, de fil en aiguille, avec des périodes très difficiles, comme l'année 64. J'ai travaillé pour la télévision pendant toute l'administration de Claude Contamine, où je lui ai vraiment fait beaucoup de choses, très intéressantes à cette époque-là. Dès son départ, c'était fini. Et les choses que j'ai faites depuis la télévision étaient beaucoup moins intéressantes. Et puis, j'ai enchaîné comme ça des films avec Truffaut de façon à peu près régulière. Beaucoup de projets aussi qui sont tombés à l'eau. Projet avec Alain Cavalier, Ça, c'est le lot habituel. D'ailleurs, on écrit beaucoup plus de scénarios qu'il ne s'en tourne. Bon, bah alors, qu'est-ce que c'est? Et alors maintenant, oui, je crois qu'on pourrait aborder pratique. Les problèmes pratiques, c'est quand même, on vous voit apparaître au scénario, enfin, au générique de Rossellini, de Truffaut, de Rivette, de Godard. Et je voudrais savoir ce que. On peut prendre la chose de deux façons. Soit dans vos rapports avec l'un ou avec l'autre, soit dans ce que vous croyez leur avoir apporté de singulier, mais ça, vous m'avez dit que vous ne le savez pas. Je ne sais pas très bien. Puis d'ailleurs, c'est finalement, à bien y réfléchir, c'est du film par film. Parce qu'à chaque film, ses problèmes et la façon de travailler. Je me souviens avoir dit à des journalistes que... Il y avait une façon de travailler avec Truffaut, une façon de travailler avec Rossellini, une autre façon avec Rivette. Mais en fait, chaque film a ses problèmes, ils se font de façon très différente. Au fond, la façon dont j'ai travaillé sur Paris nous appartient, bon, là, c'était comme si nous avions écrit un roman à deux. On faisait les dialogues en se renvoyant la réplique et souvent en berçant mon fils ou en lui donnant le biberon pendant que ma femme était au Galeries Lafayette. Vous voyez, c'était... Un peu comme ça, après avoir bouffé ensemble. Mais est-ce qu'il y a un problème, Alors là, c'était un travail de collaboration très, très, très étroit. Il y avait certaines scènes, Rivette disait, bon, bah, c'est là que je la fais, toi, pendant ce temps-là, tu vas me faire la scène avec machin. Les scènes de répétition, par exemple, je les faisais, puisque je connaissais très, très bien le problème. Pourquoi est-ce que vous aviez besoin de Rivette? Pourquoi est-ce que Rivette avait besoin de vous? Qui est l'auteur? C'est plutôt Rivette qui avait besoin de moi, il ne pouvait pas le faire tout seul. Et puis alors là... Parce que c'était des... On se basait sur une expérience commune, parce qu'il faut vous dire qu'on a vécu, j'allais dire conjugalement, c'est un peu exagéré, je ne sais pas ce qu'en pense à mon épouse, mais on vivait très très proche, et même après mon mariage, Rivette était très très souvent à la maison, vous voyez, c'était la famille. Alors, il devait concevoir, à cette époque de sa vie, difficilement de travailler sans moi, comme moi je concevais difficilement de travailler sans lui. En fait, le premier truc que j'avais écrit tout seul, qui était là, donc La Religieuse, Bon, il faisait aucun doute, c'était à lui que je devais le porter, puisqu'ensuite on a voulu me racheter, ça a mis très longtemps à se monter, après avoir été monté au théâtre, on l'a remonté au théâtre avec Rivette, là on a eu un mauvais Gautier cette fois-là. Avec Anna Karina. Avec Anna Karina, et il ne s'est même pas aperçu que c'était la même pièce, d'ailleurs ça nous avait fait beaucoup rire à l'époque, on avait fait une publicité là-dessus, et ensuite le film, mais on a eu beaucoup de mal à monter le film, vous voyez. Alors, entre-temps, moi, j'ai eu des propositions. On savait qu'il y avait ce scénario qui se baladait. Je ne lui dirai pas quel metteur en scène, assez prestigieux d'ailleurs, voulait le faire. J'ai refusé. Alors que mon intérêt m'aurait conseillé d'accepter, évidemment. Mais ça me paraissait impensable. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait de Jacques Rivette tel qu'il est votre ami? Ça, c'est très difficile. C'est très, très difficile. C'est très difficile. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce qu'il fait? Ah ben moi, je n'ai pas du tout aimé, ça il le sait, je n'aimais pas beaucoup la période Amour fou, Outouane d'ailleurs, je n'ai même pas vu. Alors mon fils a adoré Outouane, mais alors ça c'est une raison pour laquelle je dois le détester, hein, bon Édipe, inversé. Mais je n'ai même pas beaucoup. Mais alors, à partir de Céline et Julie, j'ai beaucoup aimé et j'adore Duel. Alors, j'attends avec impatience la suite. Ah oui, j'adore. Non mais, alors, vous dire pourquoi. Si, alors là, c'est parce que peut-être que je retrouve un fond de magie qu'on a en commun, une admiration pour Cocteau, vous voyez, qui vous paraît complètement incompatible avec mon admiration pour Rossellini, mon travail avec Rossellini, non? Il y a des contradictions là-dedans. Non, pas vraiment. Mais je me contredis. Alors, non, là, j'ai eu aucune honte à me contredire Rossellini, et à aimer les contraires. Adapter la voix humaine. Exactement. Bon, alors, disant qu'il l'a complètement réécrit. Ouais. Ce pauvre Cocteau était bien content de le trouver. Oui. Mais en fait, il l'a adapté. Oui. Et Cocteau admirait beaucoup Roberto. C'est ça qui est curieux. Non, mais enfin, je veux dire qu'entre le réalisme et la poésie, le dialogue est tellement... depuis les années 60... Non, ce à quoi je ne crois pas, c'est à la poésie volontaire. C'est-à-dire les gens qui cherchent à faire du poétique. C'est ça, voilà. La poésie, on peut aussi bien la trouver dans la prise de pouvoir par Louis XIV. C'est un film qui est bien poétique. Bien entendu. Hein, ça, c'est... Mais là, il me semble qu'on commence à approcher de ce que Truffaut, par exemple, attend de vous. Oui, mais alors Truffaut, voilà, il y a des travaux très différents. Le travail sur Jules et Jim, c'est un travail de montage littéraire. Alors là, je pars d'un texte et Truffaut m'a donc donné son exemplaire de Jules et Jim et on a refait un petit peu le même travail, mais un peu différent pour les deux Anglais et le continent. Son texte de Jules et Jim, avec des annotations, et c'est-à-dire il soulignait les passages. Ça voulait dire qu'il voulait absolument voir tout ce qu'il avait souligné. Alors que je me démerde, je fais une construction à partir de ça. J'ai donc construit tous ces éléments disparates, fait cette espèce de montage. Ça a naturellement donné quelque chose d'assez monstrueux, puisqu'il fallait tout voir. C'est-à-dire qu'il y avait, avant l'arrivée de Catherine en lice, il y avait trop quatre filles, etc. J'ai gardé d'abord ce truc-là. Ensuite, on a... François m'a fait observer très justement qu'on avait la chance d'avoir Jeanne Moreau, que les gens qui paieraient leur place, si Jeanne Moreau n'apparaissait pas au bout d'un quart d'heure, ils commenceraient à casser les fauteuils. Donc il fallait absolument. Alors donc j'ai ramassé les trois ou quatre filles que les types baisaient ensemble avant Jeanne Moreau. Je les ai ramassées en un seul personnage, bien que ça a d'ailleurs enrichi énormément le personnage de Catherine. Et puis ensuite François y a retravaillé. Vous voyez, j'ai refait ce travail. À coups de ciseaux, de collage, on a des manuscrits qui sont des petits chefs-d'œuvre, comme ça. Et il y a quelques scènes rajoutées, inventées, mais vous savez qu'il y a très peu de rajouts dans Jules et Jim par rapport au roman d'Henri Pierre Rocher. La scène rajoutée la plus importante a été rajoutée au tournage. C'est la très très belle scène entre Oscar Werner et Jeanne Moreau, entre Jules et Jeanne, vous savez, où ils pleurent tous les deux, où ils font le point, en quelque sorte. Car François m'avait téléphoné d'Alsace où il tournait, il me dit, il me faut absolument une scène entre eux, qu'ils fassent le point. Il a toujours besoin de cette scène qu'ils fassent le point. Et on l'a fait toujours au dernier moment. Je vous dirais que dans La Chambre Verte, c'est peut-être l'équivalent, de cette scène est peut-être la scène entre Jean d'Asté et Nathalie Baye, où ils font le point sur la situation sentimentale. Et là, Catherine et Jules font le point sur la situation sentimentale. Et ces scènes-là, en général, François, il sait qu'il faudra cette scène-là. Il ne l'écrit jamais d'avance. Moi, je ne m'en suis jamais occupé. C'est lui qui s'en occupe. Et même dans le cas de Jeanne et d'Oscar Werner, j'ai bien l'impression que c'est eux qui ont improvisé sur un canevas qu'il leur a donné. Vous voyez ? C'est peut-être pour ça que la scène est absolument extraordinaire. C'est la plus belle scène du film, à mon avis. J'y suis pour rien, personne n'y est pour rien. C'est, tout est, c'est les acteurs qui ont compté. Bon, voilà. Alors, le travail pour François, Attendez. Alors, je commence à pressentir des choses. Il y aurait donc la magie, comme ça, qui vous serait commune, Cocteau, avec Rivette. Cocteau et, oui, Fritz Lang aussi. Alors qu'avec Truffaut, ce serait... Alors, c'est lui qui le dit. Ces films d'amour, ces films donc de passion, il les fait avec vous. C'est bizarre, hein. Non, mais pourquoi est-ce que c'est bizarre? Je ne sais pas, parce que j'ai... Alors ça, c'est mon goût, probablement notre goût commun pour la littérature anglo-saxonne, pour les sœurs Bronte, pour Dickens, on est des fanats, en particulier de David Copperfield. Et peut-être, j'ai toujours été amoureux des filles de Dickens, j'ai toujours aimé Dora et Agnès. Et puis notre amour pour certains films de Griffith, pour ces films d'amour en particulier, pour pas tellement Le Lys brisé que Toward Susie. Le pauvre amour qui est un film admirable. C'est un film admirable. Et pour Wedonist, à travers l'orage. Pour Les Deux Orphelines, parce qu'on adore Les Deux Orphelines. Moi, j'ai toujours aimé d'ailleurs la pièce même des Deux Orphelines, l'histoire des Deux Orphelines, c'est une histoire que j'aime. Mais peut-être que vous apportez. Je suis indigné quand je vois que des crétins en font des adaptations critiques, sociales et autres. Oui. Parce qu'ils n'ont vraiment rien compris. Ils n'ont pas compris qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans qu'une simple moquerie. C'est comme je déteste le genre d'adaptation Fortune de Gaspard, etc. On se fout de la gueule de la comtesse de Ségur, parce que c'est très superficiel cette façon de juger toute une littérature. Est-ce que vous n'apportez pas à Truffaut qui en rêve, mais peut-être qui n'a pas le courage d'y aller, cette dimension de l'excès, enfin cette dimension de... Ah peut-être, oui, parce que oui, c'est certain que j'aime les choses excessives. Je ne suis pas un fanat de Buñuel, mais j'avoue être quand même très très fasciné par son côté excessif, justement. Et j'aime bien dans Buñuel tous ces films de passion aussi. J'aime bien ces films d'amour. J'aime beaucoup La Jeune Fille, j'aime beaucoup Elle, vous voyez. Et j'aime beaucoup les films mexicains qu'ils faisaient sur commande, du genre Susanna la Perverse, etc. Beaucoup plus que les trucs où il était plus libre. Je ne suis pas du tout pour la liberté. Bon, alors maintenant. La contrainte vous oblige à. Ce qui nous amène à pas faire n'importe quoi, au fond. Ce qui nous amène à Delache et à La Chambre Verte. Enfin, Il y a L'Enfant Sauvage aussi. Oui, L'Enfant Sauvage, oui. Mais enfin, L'Enfant Sauvage, c'est peut-être un autre... Oui, c'est plutôt le côté Rossellini de la chose. C'est ça. Alors, on parlera plus tard. Alors, La Chambre Verte, ça tourne autour de la mort. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment le film a progressé dans vos deux têtes? Ah oui, d'abord, il faudrait dire que tous les films auxquels je travaille, et c'est pour ça que je ne suis pas très riche, j'y travaille pendant des années. Ça, une histoire comme Adélache, un truc comme L'Enfant Sauvage, la moyenne, c'est 4-5 ans de réflexion, de maturation, de réécriture, il y a des difficultés du montage aussi, car les films que fait François, c'est pas des choses faciles à monter. Il ne faut pas croire qu'il est producteur, etc. Mais ce n'est pas lui qui va... Il faut trouver un distributeur, il faut trouver des apports financiers, etc. C'est extrêmement difficile. Il se trouve qu'il y en a certains, comme L'Enfant Sauvage, comme La Nuit Américaine, comme L'Argent de Poche, qui ont très très bien marché, mais ça compense les autres qui ont beaucoup plus de difficultés, vous voyez. Il se trouve qu'il fait beaucoup de films populaires, ça c'est un fait. Ce qui fait que chez certains intellectuels, on le méprise un peu. Il n'a pas le droit de réussir. Ça, il s'en défend très bien lui-même. Mais oui, alors, revenons à votre travail avec lui. Alors, La Chambre Verte, c'est parti d'où? Alors, La Chambre Verte, c'est parti de... Dans toute cette littérature anglo-saxonne, il y a notre intérêt pour Henry James. Et il a dû penser à me parler d'Henry James, à me faire travailler sur Henry James, parce qu'il avait beaucoup aimé un truc que j'ai fait à la télévision, le premier truc que j'ai fait à la télévision, au début de l'administration Contamine, qui était une adaptation d'une nouvelle de James, La Redevance du Fantôme, qui me paraissait constituer un film. Parce qu'il faut vous dire, voilà, il y a la façon dont, quand j'adapte ou que j'ai des idées, je ne m'estime pas être un écrivain. Ça, c'est très important. J'ai complètement oublié de vous parler de ça. Je ne m'estime pas. Je ne suis pas un metteur en scène de cinéma non plus. Je n'aime pas réalisateur, disons metteur en scène. je ne suis pas un écrivain, je suis, si vous voulez, un intermédiaire entre les deux. C'est-à-dire que, c'est surtout visible à partir du moment où je prends un document quelconque, j'essaye de voir ce qui, dans ce document, prête à mise en scène. C'est-à-dire que lorsque je fais une adaptation, je ne fais pas des dialogues. Les dialogues, ça, je pense, je suis le conseil d'Hitchcock, c'est-à-dire je le fais consciemment maintenant, mais je le faisais inconsciemment avant. Le conseil d'Hitchcock, dans ses entretiens avec... il fait d'abord un film muet, et ensuite on voit ce qu'ils diront. C'est ça, oui. Et je pense toujours cinéma muet. Vous voyez ? Ça vous paraît bizarre ? Je pense. Non, qu'est-ce qu'on va foutre sur l'écran ? Non, qu'est-ce qu'on verra ? Par où ils rentreront ? Et je me souviens que j'ai toujours, plus ou moins consciemment, été intéressé par ce côté des choses. Puis j'ai retrouvé une vieille lettre... Non, plutôt la réponse. Une réponse de Rivette. Rivette était en scène... était à la montagne, en cure de repos, en sanatorium, je ne sais pas quoi. À un moment, je lui écrivais, c'est-à-dire les années 54, 55, je lui écrivais une lettre et je lui parlais du Sergent la Terreur. Il y a une très belle scène. De Richard Brooks. Oui, de Richard Brooks. un type que j'admire beaucoup. Oui. Rigolez pas. Non, je rigole pas du tout. J'admire aussi beaucoup. Je l'admirais aussi beaucoup. Alors, allons-y. Sur la lettre de... Et ça, cette lettre, je lui parlais d'une scène, et qui me frappait de cette scène, c'était qu'il y avait un décor, c'était la place du personnage dans le décor, la lumière, et les deux fenêtres qu'il y avait dans le décor. Il y avait deux fenêtres parallèles, et ça me rappelait d'ailleurs des décors de d'Homonculus de Ritter, c'est un vieux film expressionniste seulement. Donc c'est quand même un... Qu'est-ce qui me plaît dans Chaplin, en fond ? C'est tout ce qu'il y a d'expressionniste dans les décors chaplinesques, c'est dans le déplacement des personnages. Oui, c'est le magnifique travelling du pèlerin, où on le voit... On voit les gens qui rentrent, vous savez, quand ils descendent du train et qu'ils rentrent et ils se cassent la gueule avec le chaplain. Je vous signale qu'on était parti de la chambre verte. Oui, on partit de la chambre verte. Bon, non, mais là, c'est pour dire, Chaplin. Oui, Chaplin aussi est un de nos amours communs. Ouais, c'est ça. Bon. Et alors, donc, ce qui me frappe, c'est ce qui se verra, non pas l'image, car le cinéma, c'est pas de l'image, mais le déplacement de l'image. Par exemple, cette redevance du fantôme, pourquoi ça m'a d'abord intéressé? Je me suis dit, ça peut faire un film ou un téléfilm intéressant. Parce qu'il y a un type qui se trouve en présence d'une maison. Cette maison est entièrement fermée. Il voit des lumières. Cette maison l'intrigue. Il doit se passer quelque chose dans cette maison. C'est le crépuscule. Il tourne autour de la maison, il essaye d'ouvrir les volets, il va demander des renseignements à quelqu'un à côté, il revient ensuite 2 jours après, et là, il entend des bruits, il voit quelque chose qui se passe à l'intérieur de la maison. Pour moi, le cinéma, c'est ça, vous voyez ? Et le scénario, c'est ça. L'idée de film, c'est ça. Là, maintenant, je commence à comprendre très bien. Vous comprenez ? L'Hôtel des Morts, qu'est-ce qui est intéressant ? Il y a ce type, il y a ces cierges. Oui. La chambre, l'idée de la chambre est venue après. On est une chambre dans laquelle on met des images. On regarde les images. La chambre est fermée. Personne d'autre n'a le droit d'y rentrer, etc. C'est toujours des histoires, des vieilles histoires, des gens enfermés dans la... C'est la même histoire que les types dans le western qui sont assaillis par les Indiens. Il y a les fédéraux qui arrivent. Des gens, c'est le dehors, le dedans. On est enfermé, on est pas enfermé. La mise en scène, c'est ça. Hein ? On est assiégé. Et c'est en même temps... Toute la vie, nous sommes toujours assiégés. Nous rentrons dans notre maison, nous fermons les volets. Moi, j'habite un pavillon, alors c'est particulier. Les bruits du dehors commencent à nous intriguer, comme il y a beaucoup de vols dans le quartier. Vous voyez ? Les voleurs, on a peur des voleurs. Le voleur lui-même a sa petite mythologie qui est pénétrée à l'intérieur de la maison. Alors, on peut faire le film du point de vue du voleur ou du point de vue du type qui est à l'intérieur de la maison. Et l'idée de la mort s'introduit comment ? C'est vous ? C'est... Ah ben, l'idée de la mort, elle était d'abord dans les sœurs Bronte qui ont servi en partie... Vous savez qu'on a un peu greffé, mais ça, c'est surtout le boulot de François. Les deux sœurs, les deux anglaises, nous ont toujours fait penser aux sœurs Bronte qui nous aient pensé. Les deux anglaises qui sont aussi les deux orphelines. C'est ça, ouais. N'oublions pas. Les deux sœurs Guiche qu'on retrouve au début de la nuit américaine. Et donc... Là, il y a eu cette histoire. François a introduit la mort, parce que c'est pas moi qui lui ai apporté l'idée de la mort d'une des deux sœurs. Il l'a introduit en pensant à la mort d'Emily Bronte, qui refusait de voir le médecin. Vous voyez ? Il a eu l'idée de la faire mourir, je crois, alors là, en cours de tournage. Hein. C'est pas du travail sérieux. On a dû y penser avant, parce que la chambre verte, c'était bien terminé. Il a travaillé 3 jours encore intensément juste avant le tournage. Mais au moment du tournage, le film était vraiment écrit et construit, etc. Pour L'Enfant Sauvage, c'était la même chose. très bien. Tandis que là, il faisait encore l'improvisation, mais il aime de plus en plus, François, les films bien clos, bien... Vous aussi, bien je construit. Crois. Moi aussi, j'ai une tendance à ça. Mais enfin, il se trouve qu'on fait des films ouverts, comme Les Deux Anglais, c'est quand même un film ouvert. Ça oui. a son charme aussi. On peut le rallonger, on peut le raccourcir, on peut avoir diverses versions. Évidemment, l'extrême étant Vanina Vanini, qui maintenant, tel que je l'ai vu à la télé l'autre jour, c'était réduit aux proportions d'un court-métrage. Oui. Enfin, alors que ça durait 3 heures au départ. Ça, c'est les avatars des films. Mais alors, pour en revenir à La Chambre Verte... Alors, pour en revenir à La Chambre Verte, il y a eu cette idée... Il y a une sorte de poétique de l'espace, là, finalement, tout compte fait. Toujours. Et peut-être que François a eu l'idée de me refourrer dans les James. Alors, on a lu des quantités de nouvelles de James. Il m'en a fait lire. Il m'a fait lire L'Hôtel des Morts, qui sert de schéma de départ. Je connaissais, etc. Et on a été pendant des années, donc depuis les années, le début... Depuis les années 66-67, on a lu beaucoup de James, tous les deux. J'ai lu des biographies de James, j'en ai lu en anglais, j'en ai lu en français. En anglais, c'est pas facile, croyez-moi. On a d'abord voulu faire une adaptation d'une seule nouvelle. Et ça a donné quelque chose de très sec. Moi, j'avais essayé d'amplifier la chose, ça ne lui plaisait pas. Il est reparti de là, il m'a fourni un plan. Sur ce plan, j'ai fait quelque chose d'assez linéaire. Et on s'est complètement découragé. On a foutu ça dans un tiroir et on n'en a plus parlé. Ça vous paraît formidable. Entre-temps, je me suis mis à travailler sur le Rennais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai bricolé à droite à gauche. J'ai dû faire un feuilleton pour la télé, feuilleton en franco-japonais. On fait des différents travaux comme ça. Et puis, il passe l'hiver dans l'autre hiver, il me téléphone. Peu avant les fêtes de Noël, il me dit « Bon, bah écoute, on va reprendre l'histoire de... » Je ne sais plus comment ça s'appelait, elle a disparu, je ne sais pas, à l'époque. On va reprendre cette histoire. Il était en plein tournage de « L'homme qui aimait les femmes ». Et moi, j'étais en train de travailler avec Rennais, alors ça me posait différents problèmes, puisque le Rennais, là aussi, j'y travaille depuis 2-3 ans. On va reprendre cette histoire. Et il a eu l'idée d'injecter dans cette première nouvelle de James, d'injecter d'autres nouvelles, d'autres histoires. Les amis des amis, une autre nouvelle, la célèbre bête dans la jungle. Il dit, tu vas essayer d'amalgamer toutes ces histoires parce qu'il y a des thèmes qui se retrouvent toujours dans James. Il y a le thème du type qui raconte sa vie à une femme qu'il aime et il lui raconte tellement bien sa vie qu'il ne s'aperçoit pas que la femme l'aime ou que même que lui l'aime, mais il ne se le dit jamais, il ne s'aperçoit que quand l'un des deux est mort, enfin, des histoires de ce genre-là. Le jeu entre... Alors, ce jeu avec la mort, il est constamment permanent. Enfin, la mort, pas au sens... la mort physique, mais la disparition des êtres chers, quoi. Et ça, chez James, c'est constant. C'est constant parce que toute sa vie a été marquée par... D'abord, la guerre de sécession, à laquelle il n'a pas participé, qui est donc le corps de notre personnage, et l'histoire de la perte d'un être cher très jeune. Et c'est un peu... Nos générations, enfin, ont perdu... Moi, mon meilleur ami au lycée était juif, a été déporté, disparu, dans des conditions atroces. Toute sa famille... Et pour nous, pour jeunes de notre génération, c'est quand même très, très important. On ne vit plus qu'en fonction de ces gens disparus, non ? Surtout les amis, pas tellement la famille. Il est certain que la mort d'Audi Berthy m'a beaucoup affecté, comme elle a beaucoup affecté François. Pourquoi ? Parce que c'était un... Je ne sais pas, quand on aime Audi Berthy, on entretient avec ses livres une affection extraordinaire. J'aimais beaucoup Queneau, et j'aime beaucoup Queneau, mais ça ne m'a fait pas le même coup. Vous voyez ? Alors, comme écrivain, je pense peut-être que Queneau est peut-être supérieur à Audi Berthy, peut-être un type... Enfin, au moins un type plus conscient qu'Audi Berthy, oui. Bon, enfin, bref... Je vous parle d'Audi Berthy parce qu'Audi Berthy, François l'a mis parmi les morts. Moi, j'en avais mis d'autres, il a changé, il a mis les siens. Alors, moi, je lui fournis donc ses premiers travaux et puis il me renvoie des corrections, vous voyez. Il me renvoie des corrections, il déplace des scènes. Et puis ensuite, hop, c'est fini, j'entends plus parler de lui. Et je vois le film lorsqu'il est fini, vous voyez, mettons. Et est-ce que vous le reconnaissez comme vôtre aussi, d'une certaine façon ? D'une certaine façon, ça dépend. Je reconnais des scènes, mais parfois, ils changent la construction. Par exemple, moi, j'avais débuté La Chambre Verte par une des premières scènes dans la salle des ventes, là, enfin, dans l'exposition des objets. Alors ça, cette exposition des objets, par exemple, est une idée... Bon, j'ai inventé cette histoire de vente d'objets, mais ça vient d'un peu tout de James, parce que dans James, il y avait toujours l'idée de dépouille, cette idée atroce que lui faisait la vente des... le fait qu'une maison, une famille, une personne, avec tous les objets qui lui avaient été chers, a été dispersée, ça c'était... Moi, je me suis dit, tiens, on va mettre une vente d'objets, ça va ouvrir le truc. Alors lui, il a préféré ouvrir par la scène de la mise en bière de la jeune femme, parce qu'il pensait qu'il fallait foutre les gens dans le coup tout de suite. Ah, peut-être a-t-il raison, parce que comme ça, ils sont fixés tout de suite sur ce qui les attend. Ça les effraie peut-être plus, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Justement, j'en parlais ce matin avec ma femme, on se disait, mais au fond, est-ce qu'il n'aurait pas dû garder l'ancienne construction? Oui, on se pose des tas de questions. Alors voilà, voilà. Alors le travail de François est donc un travail de finition. C'est pour vous dire que avec Rossellini, c'est encore un travail complètement différent, et qu'avec René, actuellement, avec lequel je travaille, c'est encore un autre travail, vous voyez. Parce que, au fond, je suis comme le chef opérateur qui doit s'adapter au metteur en scène. Je dois m'adapter à certains travaux. Et puis, enfin, René ne fait pas du tout le même type de film que François. Alors, pourquoi s'adresse-t-il à moi? Je pense que René a voulu ne pas faire un film littéraire, ne plus s'adresser, parce qu'il s'adresse plutôt à des gens de lettres qu'à des... Puis enfin, les circonstances, on ne fait pas toujours exactement les films. Les circonstances font qu'il a toujours travaillé, finalement, avec des gens extérieurs au cinéma. Oui, mais vous avez quand même un rapport particulier au texte. Tous les films de Truffaut, sur lesquels vous avez collaboré, il y a pratiquement toujours un texte à la base. Oui, c'est très curieux. Hein. Alors, je ne suis pas un fanatique. En même temps, je trouve que les films de Truffaut les plus passionnants sont ceux qui ont un texte à la base. Ben oui, mais c'est très curieux parce que je ne suis pas un passionné. Ce qui m'intéresse dans ces textes, c'est ce qu'ils permettent de montrer. Qu'est-ce qui m'intéressait en France sauvage, c'est de montrer toutes ces expériences, et c'est de montrer le comportement du sauvage quand il était vraiment sauvage, et ensuite quand il réintègre quand il retourne à la forêt et qu'il ne peut plus du tout se débrouiller. Non, mais ce qui est paradoxal, parce qu'on arrive au bout là, de notre deux entretiens. Ce qui est paradoxal. J'ai rien dit. Non. Vous avez dit des choses passionnantes, et ce qui en ressort à mes yeux, c'est que je m'attendais à rencontrer un homme de texte, précisément. Or, c'est bien l'idée d'un homme d'image qui apparaît. Enfin, d'image au sens fort, enfin, au sens de l'imaginaire. Absolument, parce que pour moi, le texte est un matériau, exactement. Je n'ai aucun respect pour les auteurs que j'adapte, quand par hasard, j'adapte des auteurs. C'est ça. J'ai aucun respect. Pour moi, c'est un matériel, comme n'importe quel document, comme mes souvenirs personnels, tout. Sur ça, la distinction, d'ailleurs, entre adaptation, œuvre originale... Et au fond, est-ce que ça va vraiment au fond des choses? Pour vous, est-ce que ça a une réalité simplement? Quand vous travaillez à partir d'un texte ou bien pas à partir d'un texte, ça change quelque chose? Pas grand-chose, parce que le texte, je lui en fais voir de toutes les couleurs et j'y amène, je le comprends à ma façon, de toute façon. Je n'ai pas... Mais vous le comprenez, et vous le comprenez étrangement, pas du tout, effectivement. Alors c'est là qu'on comprend mieux que vous, peut-être, pourquoi René a fait appel à vous. C'est parce que vous lui apportez très exactement un sentiment de l'image que je peux pas définir, qu'on peut voir apparaître à travers certaines scènes de la religieuse, qu'on peut voir apparaître à travers le labyrinthe de Paris nous appartient, qu'on peut voir apparaître à travers le décor même de la chambre verte. Et je vois bien maintenant ce que singulièrement vous apportez à ces gens qui pourtant sont, on peut le dire, vraiment les auteurs de leurs films. Ah oui, mais c'est ça. Sans doute, même l'histoire de... Même le repas de Louis XIV, je n'ai jamais décrit les lieux, pour une bonne raison, c'est qu'on ne savait pas dans quel décor on tournerait, etc. Mmh. Mais j'ai accumulé le nombre de renseignements que j'ai pu trouver susceptibles de faire du cinéma, soit de faire un gag, soit de faire, par exemple, le couvre-plat qu'on verrouille, etc. Et ce n'est pas tellement en fonction de l'intérêt historique de la chose que je l'ai fait, c'est en fonction de la possibilité de transposer cette chose au cinéma, vous voyez. C'est ça qui est important, d'en faire de la mise en scène. Alors Jean Gréau vient de quitter ce studio sans avoir dit tout ce qu'il avait à dire, puisque j'espère bien que nous le reverrons un jour prochain ou une semaine prochaine pour qu'il nous parle de sa collaboration avec Rossellini notamment, dont il a assez peu parlé au cours de cette émission. Alors il nous reste quelques minutes pour parler de l'actualité du cinéma, à travers les films qu'on peut voir actuellement, aujourd'hui, sur les écrans. Et naturellement, pour faire un peu de provocation, Pierre Donadieu, on peut dire que, par exemple, un des films à voir, un des films qui nous paraît important ces temps-ci, c'est Robert et Robert, De Claude Lelouch. De Claude Lelouch. Enfin, c'est pas du tout le genre du cinéma des cinéastes que de s'intéresser. Ah, si, si, on avait lancé cette mode l'année dernière. On avait lancé cette mode, dit Carole. J'avais lancé cette mode. Oui. C'est juste, c'est vous qui m'avez renvoyé voir des films de Lelouch, et puis depuis, j'y vais tout seul. D'ailleurs, je l'ai vu avant vous. Vous ne l'avez pas encore vu. On a bien envie d'interviewer Lelouch en personne, qui viendra, j'espère, bientôt nous parler de son cinéma. Alors, Pierre Donadieu, qu'est-ce que tu en dirais, toi, de Robert et Robert ? Alors, moi, ce que j'en dirais, c'est qu'il me semble que ce n'est pas forcément très important dans l'histoire du cinéma, ce film-là. Je ne crois pas que le cinéma de Lelouch soit un cinéma qui va marquer sur le plan historique. Mais je crois que c'est important du côté du film, en tout cas. Parce que c'est un film qui existe complètement, et c'est un film qui est intelligent, c'est un film qui fait rire et qui fait rêver. Et je crois que ce n'est pas si courant de nos jours d'avoir des films qui font rêver. Oui, alors là, justement, là, tu as prononcé le mot important. Moi, j'ai tendance à relier Lelouch à Capra. À savoir qu'il s'agit, dans les deux cas, de deux jeunes gens dont qu'on imagine fort bien, l'un sur le pavé de Los Angeles et l'autre sur le pavé du boulevard Sébastopol, issus l'un et l'autre d'un milieu populaire, et qui rêvent, je veux dire, qui rêvent au cinéma, et qui rêvent du cinéma. Et qui, quand ils poursuivent leur carrière, en arrivent à produire des rêves, enfin des films en forme de rêve. C'est très net, enfin, prenons l'exemple de L'Enjeu, par exemple, de Capra, où Capra rêve d'un candidat à la présidence des États-Unis qui révélerait publiquement devant les caméras de télévision les compromissions auxquelles il a dû consentir pour devenir président, et qui, de cette façon, d'ailleurs, brise sa carrière, mais par naïveté, par générosité, par éclat, comme ça. Bon. C'est ça, c'est le film avec Catherine Hepburn et Spencer Tracy, qu'on a pu voir récemment là, sur Affaire 3. Là, c'est une sorte de rêve. On n'a jamais vu un candidat à la présidence des États-Unis dire « j'ai dû... » C'est très particulier, parce que Capra, est-ce qu'il était juif ? Il n'était pas juif, mais il était immigré italien. Oui, c'est ça. C'est le même. Parce qu'il y a quand même quelque chose à voir avec... moi, je pense forcément la judaïté chez Lelouch, c'est-à-dire que c'est un rêve, mais c'est un rêve errant. C'est un rêve qui n'a pas ce côté enraciné, ce côté fantasmatique, ce côté psychanalytique qu'ont souvent au cinéma la fiction. Qu'a souvent au cinéma la fiction. Le rêve chez Lelouch, si tant est qu'il faille parler, employer ce mot-là, c'est un rêve très judaïque, très oui, errant. Oui, mais enfin, qui est donné dans un cas, comme c'est pour ça que je le rapproche de Capra, qui est donné dans le, parce qu'on peut parler de mystification, je veux dire qu'on peut parler complètement de mystification, puisque je lirai dans Robert et Robert qui devient comique de musical en tirant parti de sa timidité, etc. C'est de la mystification, puisque tous les timides ne deviennent pas comiques de musical et tous les naïfs ne deviennent pas candidats à la présidence des États-Unis, je veux dire, ne font pas carrière politique. Donc, il y a un double aspect, c'est de la mystification, je suis d'accord avec toi, mais moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement l'aspect mystification, qui est réel et qui est quand même intéressant, mais c'est plutôt l'aspect retournement. C'est que les choses se retournent constamment et qu'on a toujours l'envers des choses et que ça n'arrête pas. Mais oui, mais parce que ça, c'est vraiment juif. Oui, mais c'est aussi, Capra, il y a aussi un réalisme, il y a aussi un côté terre à terre, il y a un côté je ne m'en laisse pas compter pour pouvoir justement redoubler sur la fiction et la donner comme fiction. C'est-à-dire que finalement, les films de Capra et les films de Lelouch fonctionnent comme nous fonctionnons nous, dire comme ce serait bien si. Je veux dire, c'est ce que disent leurs films. Exactement. Oui. C'est ce que disent leurs films, et de ce fait, ils trouvent une espèce de sincérité seconde. C'est extraordinaire parce que ça, c'est de nouveau Woody Allen qui fait sortir McLuhan de derrière les fagots, et c'est excessivement genre comme ça, judaïque. Oui, mais ça serait comme ce serait. Ben oui, ben c'est bien la vocation de notre. Ah oui, parce que le conditionnel. C'est... Moi aussi, je suis judaïque. C'est pour ça que je me sens si près. je suis juif. C'est pour ça que je me sens si près de tout ça, à savoir le comme ce serait bien si. D'ailleurs, a déclenché des choses, puisqu'en plus, les choses deviennent vraies. C'est-à-dire que, après tout, Capra et Lelouch, en tout cas, a suffisamment rêvé du cinéma pour avoir un jour son nom en grandes lettres, je veux dire, sur les façades du cinéma devant lesquelles il passait quand il était tout petit. Enfin, je veux dire que, il y a ce côté-là chez Claude Berry aussi. Alors là, on pourrait rapprocher Berry et Lelouch beaucoup plus fortement. Et il y a dans les deux cas, une très grande énergie judaïque, Caroline, une très grande énergie. Et un très grand réalisme au sens bête du mot, c'est-à-dire un côté terre-à-terre, enfin, pied sur la terre, homme d'affaires, et avec en même temps la faculté de projeter, c'est-à-dire de se projeter, de se projeter soi-même dans une fiction. Alors bon, en dehors de ça, moi je trouve un autre intérêt à Robert et Robert, alors spécifiquement, à savoir qu'il traite là vraiment de personnages très intéressants parce que ce sont des imbéciles. Je veux dire que c'est très rare de traiter des... Enfin, Chabrol l'avait tenté une fois dans Les Bonnes Femmes. Là, il le tente une seconde fois. Lelouch le tente avec ces deux personnages qui sont un peu des crétins. Un peu. Oui, non, mais... C'est pas des imbéciles méchants. Alors, là, il se passe quelque chose d'assez formidable, c'est la manière dont Lelouch s'attarde sur cette pensée, comme ça, très, très, très fruste, sommaire, et qui demande à apparaître, qui demande à naître sur le visage, et sur le visage de Villeray, alors c'est tout à fait extraordinaire, parce que la timidité s'en mêlant, on arrive à un personnage quasiment muet, et dont... simplement la façon dont ses yeux roulent dans ses orbites, on a quelque chose qui se passe. Et puis il a évité enfin aussi de tomber dans, je parle de Lelouch, il a évité de tomber dans les pièges d'une fiction qui serait la fiction des années 30. C'est-à-dire, par exemple, il y a un personnage d'escroc, quoi, enfin, grosso modo, enfin, de directeur d'une agence matrimoniale, et on imagine très bien ce que Jules Berry aurait fait dans le rôle, c'est-à-dire la manière dont il aurait... fait un cinéma invraisemblable. Donc, Briali, on imagine que Briali va s'extérioriser, cabotiner, en remettre, pas du tout. Il a une espèce de foulard autour du cou, il est frileux, il boit du thé chinois, il est continuellement désabusé, il a des regards parfois comme ça vers sa femme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... le piège là de l'escroquerie, enfin, de la situation dramatique et comique naissant d'une escroquerie très brillante, là... Bon, il n'en parle pas. Enfin, il parle d'autre chose. Il parle d'un certain climat qui naît comme ça entre les gens. Et c'est assez formidable. Oui, c'est un film où il y a de l'intelligence. Oui, alors là, il y a quelque chose de nouveau par rapport au premier Lelouch, je crois. Enfin, Il a laissé tomber pas mal de choses comme ça sur avoir le spectateur, tromper le spectateur. Là, au contraire, il est du côté du spectateur. Oui, c'est-à-dire qu'il se retrouve sur les mêmes fauteuils où il était quand il était petit. C'est ça que... C'est ça qui donne à ce film une espèce d'authenticité. Et qu'il faut voir, il faut se retourner dans la salle. Je l'ai vu un dimanche après-midi sur les boulevards, délibérément, au Gaumont-Richelieu. Et je me retournais de temps en temps vers la salle au moment précisément d'affranchissement, c'est-à-dire au moment de passage à la fiction, au moment où les personnages commencent à vivre leur amitié et à vivre d'une certaine façon leur réussite imaginaire, et à la fois imaginaire et réelle, puisqu'elle est sur l'écran. Et les gens dans la salle étaient... Bon, on sentait une espèce de respiration, ce rêve dont tu parlais, dont on ne peut pas dire que ce soit un mélange de naïveté et de roublardise, comme on l'a dit trop souvent, de Capra et de Lelouch. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie au sens le plus banal, enfin, de l'utopie quotidienne. Quoi. Alors bon, il n'y a pas que Lelouch au monde tout de même. Je veux dire que Rêve de singe continue sa carrière, Une femme libre continue sa carrière... Hitler est au studio des Ursulines. Hitler de Cyberberg continue sa carrière. Continue sa carrière, ça c'est vrai. C'est d'ailleurs tout à fait curieux ce film, enfin, parce que plus j'y pense et plus je me dis qu'il s'agit bien d'une réhabilitation d'une certaine façon, c'est-à-dire que un passage d'Hitler à l'histoire, c'est-à-dire que alors que jusqu'à présent les gens étaient complètement terrorisés par l'approche du personnage, là, en faisant une marionnette. On finit par être avec lui, alors que jusqu'à présent on avait ri de lui à travers Lubitsch. Il faut dire que quand on a parlé de mystification, c'en était quand même une de penser que le nazisme était le fait d'un seul homme et que l'intelligence de Cyberberg, qui est à mon avis très très très très nouvelle et politiquement très nouvelle, c'est effectivement de montrer que ce type-là était la marionnette de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de responsabilité réelle, mais que... Oui, c'est-à-dire qu'on est... On ne peut pas continuer à penser que le nazisme, c'est quelque chose qui a été fait par un homme, puisqu'il existe encore violemment, quoi. Enfin, violemment, le fascisme existe encore. Ça, c'est toute la thèse du film. C'est Hitler disant, c'est son triomphe posthume, d'ailleurs à travers un discours de marionnette. Écouté d'ailleurs par quelqu'un qui est manifestement le porte-parole muet de Cyberberg, c'est-à-dire qui fait parler la marionnette d'une façon avec... comme un ventriloque, quoi, ce qui est pas mal. Alors donc, du pain sur la planche avec les 7 heures d'Hitler. Et puis, le dernier film de Viera Kitilova. Ah oui, alors tu l'as vu, je ne l'ai pas encore vu, et j'attends avec impatience de le voir. Qui s'appelle Le jeu de la pomme. Kitilova, on la connaît, elle avait fait déjà plusieurs longs-métrages qu'on avait vus en France, qui était le premier quelque chose d'autre. Oui, qui est un très très beau film. Le deuxième, Les Petites Marguerites. Oui, qui est magnifique aussi. Et le troisième, Le Fruit de l'Arbre du Paradis. Oui, qui était moins intéressant. Et celui-ci est une comédie qu'elle a réussi à tourner dans son pays, c'est-à-dire en Tchécoslovaquie, 7 ans après son dernier long-métrage. Parce qu'elle a beaucoup, beaucoup de mal à réussir à faire des films. On lui avait donné de l'argent pour faire un court-métrage et elle en a fait un long-métrage sans rien dire à personne. Et ça se sent un petit peu sur les conditions de tournage. Il y a une mise en scène que moi, je trouve un petit peu bâclée, avec une caméra qui remet un petit peu trop. Mais c'est pas grave, parce que le film est quand même extrêmement fort, par ailleurs. C'est un film sur les hommes et les femmes, comme toujours. C'est un film sur un homme et sur une femme. Sur la maternité, ça se passe dans une clinique entre une infirmière et un médecin accoucheur. Et il se passe des choses tout le temps dans ce film, et des choses pas banales. Et ce qui est intéressant, c'est que Kitty Leva, pour parler des hommes et des femmes, pour parler de sujets quand même assez graves, n'hésite pas à faire rigoler. Quoi. Et qu'on rigole vraiment, et on rigole du début jusqu'à la fin. Et qu'elle parle de tout ça d'un ton très très léger, très très badin, finalement très différent de celui de Martha Mecharos pour parler des mêmes problèmes. Ah ouais, mais c'est quelqu'un, Vera. C'est-à-dire que le peu que je l'avais rencontré au moment de la grande mode tchèque dans les années, à la fin des années 60. C'est vraiment quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire, enfin, une espèce de richesse, de dureté, d'ironie très... Et c'est vraiment ce qu'on sent dans le film. Qui est vraiment très très forte, enfin, il y a quelque chose qui se passe avec cette femme. Enfin, ouais. Et d'ailleurs, le titre de son premier film, Quelque chose d'autre, pourrait être le titre générique de tout un cinéma que nous aimons, c'est-à-dire cet appel à quelque chose d'autre. Et en tout cas elle serait plus proche de Nelly Kaplan du point de vue du cinéma féminin. Pas les derniers films de Nelly Kaplan, mais les premiers, en tout cas La fiancée du pirate. Oui, mais avec peut-être plus de radicalité. Oh, ça, je sais pas. Ouais. Il y a là quelque chose d'assez ensorcelant. Hein. Enfin, en tout cas, il faut absolument aller voir Le jeu de la pomme de Vera Kitilova. En tout cas, il y a une chose qui me frappe, c'est que j'ai sous les yeux... J'ai sous les yeux Une semaine de Paris Pariscope, qui publie en couverture La Passion de Jeanne d'Arc, réalisation de Carl Theodor Dreyer avec Falconetti et Sylvain. Voilà que La Passion de Jeanne d'Arc revient sur les écrans. Oui, c'est l'affiche originale de 1930. Oui, c'est ça. Et avec, sur la couverture du Pariscope, donc c'est, là, il ne s'agit plus d'une reprise, il s'agit d'un film qui est vraiment... qui ressort comme s'il était nouveau, ce qui est quand même important. Dreyer, c'est toujours un événement. On peut signaler que ces jours-ci passait à la Cinémathèque, d'ailleurs, le président de Carl Dreyer, mais j'ai peur que ça soit passé juste avant cette émission. Oui, mais alors, autre chose aussi, c'est-à-dire qu'il ne faudrait tout de même pas que La Passion de Jeanne d'Arc nous fasse oublier tout l'autre Dreyer, en particulier le Dreyer muet, Le Président, qui est un film sublime, et La Quatrième Alliance de Dame Marguerite, qui est une comédie de Carl Dreyer, et qui est un film magnifique. Alors là, ces films-là passent de temps en temps à la Cinémathèque, et vraiment, j'invite tous ceux qui s'intéressent à Carl Dreyer à aller voir aussi cela, enfin. Et j'espère d'ailleurs de pouvoir les diffuser un séjour. On va pas terminer sans dire un mot de l'Action République, quand même, les auditeurs seraient surpris. Oui. Ce soir, on peut voir l'Action République Femme-Femme de Vicky Ali, et ensuite Remorque de Jean Grémillon. Bon, inutile de conseiller ces deux films, on en a déjà parlé dans cette émission. Pour continuer, il y a tous les autres films de Vicky Ali, mais il y a aussi Gardien de phare de Grémillon. Il y a Retour à l'aube avec Daniel Darieux, c'est un film d'Henri de Coin, La Petite Lise, Gueule d'amour, Le plaisir de Max Ophuls, Sous réserve, Le ciel est à vous, et puis pas mal d'autres choses, L'amour d'une femme du même Grémillon. Ah ben oui, attention, L'amour d'une femme, moi je trouve que c'est un des meilleurs Grémillons. Il ne faut pas dire pas mal d'autres choses. C'était Le cinéma des cinéastes. Claude Jean-Philippe recevait Jean Gruaud, une émission diffusée pour la première fois le 25 juin 1978. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits.